une enclume à l'estomac. Copulation lactique, interpréteur du monde antique. Comme une fleur sans âge, comme une fleur sans âge. Le feu fondu mais qui sourit comme un cascade, déficience du combat.